السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour continuer l'explication de Juz'amma, et nous en sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours numéro 28 à la Sourate Quraysh. Sourate Quraysh. Sourate Quraysh, c'est une sourate mécoise. C'est une sourate mécoise, pré-hygérienne. Et comme le disent la plupart des savants du tafsir, cette sourate est liée à la sourate d'avant. Sourate Al-Fil, celle qu'on a fait hier. Elle est liée. On va voir pourquoi, inshallah wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul li ilafi Quraysh. Ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, faly'abudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, dans le premier verset, à cause du pacte des Quraysh. À cause du pacte des Quraysh. C'est-à-dire, nous avons détruit les gens de l'éléphant. C'est l'histoire qu'on a racontée hier avec Abraha. Nous avons détruit Abraha, ce roi tyran, ainsi que son armée et les éléphants. Donc nous avons détruit les gens de l'éléphant à cause du pacte des Quraysh. À cause du pacte des Quraysh. Afin d'honorer cette tribu et ce peuple, et les mettre en sécurité, et dans leurs intérêts, et pour l'organisation de leurs voyages d'hiver et d'été. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été. Car les Quraysh avaient l'habitude de faire deux voyages. Un en hiver vers le Yémen, car le temps là-bas était modéré. Et l'autre voyage en été, vers le Chem, car il trouvait là-bas la fraîcheur. Car à la Mecque, il n'y avait pas de production et ni d'agriculture. Comme a informé Allah, subhanahu wa ta'ala, au sujet d'Ibrahim, alayhi salam. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture près de ta maison sacrée, la Kaaba. Donc il n'y avait pas d'agriculture ni de production, etc. Donc ils voyageaient. Le Quraysh faisait du commerce. Ils ramenaient la marchandise de différents endroits. Ils avaient deux voyages commerciaux, un en été et un en hiver. Et s'il n'y avait pas eu cette sécurité qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée, ils n'auraient pas pu voyager. Car la sécurité est un bienfait, est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Voilà l'affaire de Quraysh. Ils revenaient de leur voyage en sécurité, sains, car les gens les respectaient. Les gens les respectaient. Et aussi car ils étaient voisins de la maison sacrée. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a détruit les gens de l'éléphant qui voulait leur faire du mal et qui voulait du mal à la maison sacrée, Allah subhanahu wa ta'ala a immensifié dans les cœurs des Arabes cette maison sacrée, ainsi que les gens qui s'y trouvent autour de cette maison, jusqu'à ce qu'ils soient respectés par les gens et que personne ne leur porte préjudice, notamment dans leur voyage. Tout cela sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur a accordé. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne ensuite d'être reconnaissants. Il dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette Kaaba, de cette maison, la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit qu'ils adorent cette maison, mais il les a orientés vers la reconnaissance de ce grand bienfait, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, c'est-à-dire qu'ils unifient Allah dans son adoration et qu'ils soient sincères dans son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala les oriente vers la reconnaissance de cet immense bienfait pour s'acquitter de l'adoration d'Allah seul. Tandis que cette maison, la Kaaba, hein, c'est une mosquée, c'est un endroit pour adorer seul Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui mérite l'adoration seul est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite, il leur rappelle encore les bienfaits. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la peur. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé de sa grâce et de ses bienfaits, qu'ils soient apparents et cachés. Il leur a fourni la subsistance. Il leur a assuré de la peur. Il les a rassurés de la peur. Et cela fait partie des plus grands bienfaits mondains qui obligent à être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un messager issu de leur peuple, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mécru en lui et ont mécru en son message. Et l'ont même exclu et fait sortir, ils l'ont fait sortir de la Mecque, ils l'ont expulsé de la Mecque. À cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés en leur retirant les bienfaits et les a mis dans l'étroitesse. Il leur a retiré la subsistance et leur a mis la peur. Ils ont tout perdu. Car à cause de leur mécréance, les bienfaits sont devenus des malheurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction approximative, et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis, elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. En effet, un messager des leurs est venu à eux, mais ils l'ont traité de menteur. Le châtiment donc les saisit parce qu'ils étaient injustes. Fin du verset. Donc les bienfaits, elles deviennent des malheurs. S'il n'y a pas de gratitude, s'il n'y a pas de remerciement, lorsque Quraysh a désobéi au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ont mécru en lui, le fait qu'il soit voisin de la maison sacrée ne leur a servi à rien. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala les a remplacés par d'autres lors de la conquête de Mecca qu'Allah a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Mecca est devenue aux mains des musulmans, walhamdulillah. Donc il convient à chaque musulman et musulmane de prendre des leçons sur cette sourate. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala des bienfaits qu'il nous accorde nuit et jour, et ne pas être ingrat comme on fait Quraysh et être ensuite privé de ses bienfaits, privé des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient, il est obligatoire d'utiliser les bienfaits d'Allah dans son obéissance et le remercier constamment, car les bienfaits, on ne peut les dénombrer. On ne peut les dénombrer. Plus on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala et plus Allah nous augmentera en bienfaits. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction approximative, « Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Naam. Donc il convient de méditer sur cette sourate afin d'être parmi ceux qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits et qui utilise ses bienfaits dans son obéissance. Naam. Ainsi se termine cette sourate, cette grande sourate. On continue, inshallah ou ta'ala, avec sourate Al-Ma'un. Sourate Al-Ma'un. L'ustensile. On va voir pourquoi on l'appelle l'ustensile ici, Al-Ma'un. Ici, c'est une sourate mécoise. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en blâmant et en réprimandant celui qui délaisse et néglige ses droits et les droits de ses serviteurs. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction approximative, vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? Vois-tu? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que tous les musulmans. Vois-tu, c'est-à-dire, sais-tu? Le sens ici est un étonnement, mais pour les blâmer de tous ceux qui sont dotés de ces caractéristiques qu'on va citer. La première de ces caractéristiques, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui traite de mensonge la rétribution. Quelle mauvaise caractéristique! C'est-à-dire, celui qui dément la résurrection, qui traite de mensonge les comptes et la résurrection, la rétribution, alors que sa réalisation est inéluctable, comme on l'a vu. Cette catégorie de gens ne croit pas en la résurrection. Ou alors, ils y croient, mais ne s'y préparent pas, car ils ne s'éloignent pas des interdits et ne font pas les œuvres pieuses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite, c'est bien lui qui repousse l'orphelin. Ceci est la deuxième caractéristique. Allah les blâme. Ce sont des gens à qui Allah a blâmé. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. C'est-à-dire qu'il le repousse avec force et violence. Il est mauvais envers lui et n'a pas de compassion envers lui. Il ne lui fait pas miséricorde. Et ce, en raison de quoi? En raison de la dureté de son cœur. Wal'iyadu billah. Car il ne croit pas en la résurrection. Ceci n'est pas étonnant. Il ne croit pas en la résurrection. Il n'espère pas de récompense et ne craint pas le châtiment. Comment va-t-il être bon envers l'orphelin? Celui-ci, il le repousse. Il repousse l'orphelin et il le méprise en le réprimandant avec la parole et en le repoussant avec les actes. Et ceci est un énorme crime. Personne ne fait cela, excepté celui qui traite de mensonge la rétribution. Et certes, Allah, subhanahu wa ta'ala, celui-là, il va le rétribuer le jour du jugement sur ses actes. Naam. Donc il y a dans ce verset aussi l'encouragement et l'incitation à s'occuper et à nourrir l'orphelin, à s'occuper de lui, être miséricordieux avec lui, etc. Comme on l'avait vu aussi auparavant dans les sourates. La troisième caractéristique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. C'est-à-dire qui n'encourage pas autrui à nourrir le pauvre, et à plus forte raison, lui-même ne nourrit pas les pauvres et les nécessités. Non seulement il n'incite pas, mais bien au contraire, il ordonne aux gens de ne pas nourrir les orphelins, les pauvres. Et à plus forte raison, lui-même ne le fait pas. La quatrième caractéristique concerne les gens qui négligent leurs prières. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur donc à ceux qui prient. Malheur donc, وَيْلٌ. On a vu c'était quoi? C'est pour menacer, une menace d'un dur châtiment. وَيْلٌ, malheur. L'île Moussalline, c'est ceux qui prient, effectivement. Mais le sens ici, c'est ceux qui négligent leur prière. Ils prient, mais ils ne prient pas de la manière demandée, la manière légiférée, celle qui est obligatoire. Ils prient seulement dans les gestes et dans l'apparence, mais non pas en réalité. Le cœur n'y est pas. Malheur donc à cela. Ceci est une menace, comme on a dit, pour celui qui prie en négligeant. Alors que dire de la menace de celui qui ne prie pas et ne connaisse pas la prière? Wallahu al-musta'an. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il menace un dur châtiment ceux qui prient tout en négligeant leur prière. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. C'est-à-dire ceux qui ne font pas la prière en son temps. Ils la font sortir du temps ou la prient au dernier moment pour la prier ensuite très rapidement. Ceux qui délaissent les piliers de la prière, de ses conditions et ses obligations, il ne prend pas soin de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala car il la néglige. Cette prière qui est la plus importante des obéissances est celle qui rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, celui-là, il néglige la prière en priant à toute vitesse comme un coq. Quand il prie comme un coq. Ce n'est que des gestes, subhanallah. Non seulement il la retarde en son temps, mais ensuite il la prie très rapidement pour pouvoir s'en débarrasser. Allah nous en préserve. Il n'est pas tranquille. Mais quand il est debout dans la prière, il n'est pas tranquille. Il n'a pas de sérénité, ni dans l'inclinaison, ni dans la prosternation. Il n'a pas de quiétude. Telle est la caractéristique de la prière de l'hypocrite. Ça, telle est la caractéristique de la prière de l'hypocrite. Qu'Allah nous en préserve. Ceux qui sont négligents, distraits de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ici, « an salatihim ». C'est important ici d'expliquer le mot « an ». Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « de leur prière ». Pourquoi ? C'est celui qui mérite le blâmage. C'est lui qui mérite le blâmage et la réprimande. Et c'est celui qui est visé dans ce verset. Tandis que celui qui est distrait dans la prière, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alladhina hum fi salatihim, dans leur prière. Pourquoi? Parce que ici, cela arrive à toute personne. Ça arrive à toute personne d'être distrait dans la prière, d'oublier par exemple de faire une invocation, de faire une unité de prière. Comme il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié dans certains moments comme il est venu dans les hadiths authentiques, d'oublier de faire une unité ou d'en rajouter une. Ceci est normal. Ceci est normal pour tous les êtres humains. Mais celui qui est visé ici, c'est celui qui est négligent et qui est distrait de leur prière, comme on a cité. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue ensuite en décrivant cela. Il dit « Alladhina hum yura'un » qui sont pleins d'ostentation. Subhanallah. Ils repoussent l'orphelin. Non, ils traitent de mensonge la rétribution. Ils repoussent l'orphelin. Ils n'encouragent point à nourrir le pauvre. Ils négligent sa prière. Et en plus, il a de l'ostentation. Wal'iyadu billah. Qui sont pleins d'ostentation. C'est-à-dire, qui ont plein d'ostentation envers les gens. Ils ne prient pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne recherchent pas à travers la prière le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa récompense. Ils font les œuvres pour les gens, pour que les gens les regardent. C'est ça l'ostentation. C'est que quand tu vois une personne qui te regarde prier, à ce moment-là, tu pries pour qu'il te regarde, pour qu'il voit et pour qu'il dise « Regarde lui comment il prie d'une bonne façon, etc. » Ici, tu as délaissé la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les gens le regardent, il prie. Quand les gens ils le voient, il prie. Alhamdulillah. Et on a vu c'était quoi sa prière. Mais lorsqu'ils sont seuls, ils délaissent la prière. Et c'est pour ça qu'ils ont des caractéristiques d'hypocrite. Ils délaissent la prière, car Allah nous en préserve. Non. Donc chaque musulman, chaque musulmane, il doit faire attention, il doit travailler sur ce point-là. Être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner de toute forme d'ostentation. Car c'est la chose pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la chose que j'ai le plus peur pour ma communauté, c'est le shirk caché, l'ostentation. La chose que j'ai le plus peur, l'ostentation, c'est une chose que tu ne peux pas percevoir. C'est pour ça que c'est dur à travailler. Les salafs, ils ont travaillé toute leur vie dans la sincérité pour atteindre la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire de nous alors? On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans les paroles, dans les actions, dans les choses voulues, dans les intentions, dans toutes choses. Naam, il y a beaucoup de hadiths et beaucoup de preuves à ce sujet qui incitent et encouragent à être sincères et qui met en garde contre l'ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il nous cite la dernière caractéristique. Il dit « wa yamna'un al-ma'un » et refuse l'ustensile. La sixième caractéristique de ces gens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé, a réprimandé. L'ustensile, al-ma'un. Ils interdisent, ils refusent al-ma'un. Qu'est-ce que ça veut dire al-ma'un? C'est l'ustensile, mais c'est tout ce que l'homme peut avoir besoin de se faire prêter. Hein, comme ustensile. Que ça soit un récipient, un outil, même les voitures, une monture, tout type d'ustensile, un outil, etc. Ça rentre dans, dans l'ustensile ici. Non. Donc, lorsque qu'on leur demande de prêter, que ce soit leur voisin ou autre, en raison de leur grande avarice, ils refusent, car ils sont avares. Ils refusent même l'ustensile. Ils refusent de prêter l'ustensile, subhanallah. Ils refusent de donner l'ustensile à celui qui en a besoin. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, les a donc blâmés et les a réprimandés pour cela. Naam. Ainsi se termine, alhamdulillah, cette sourate Al-Ma'un. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bénéfices à tirer de cette sourate, inshallah ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala un autre moment de pouvoir expliquer cela. On continue, inshallah ta'ala, avec sourate Al-Kawthar. Sourate Al-Kawthar, l'abondance. Naam. Sourate Al-Kawthar. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette immense sourate, qui est brève, hein, qui est courte dans les versets, mais ses bénéfices sont très nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui rappelant sa bienfaisance et sa grâce envers lui. Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Et il est venu dans un hadith d'après Anas ibn Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi, puis quand il s'est réveillé, il a levé la tête en souriant. Les compagnons lui ont dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce qui t'a fait rire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il vient certes de m'être révélé une sourate. Il a donc récité, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'atayna kal-kawthar, jusqu'à terminer la sourate. Lorsqu'il a terminé, il a dit, savez-vous ce qu'est le Kawthar? Ils ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il s'agit certes d'un fleuve dans le paradis que mon Seigneur m'a promis. Il s'y trouve du bien en abondance et il a un bassin qu'il alimente auprès duquel ma communauté me sera présentée le jour de la résurrection. Les récipients de ce bassin sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Naam. Et le bassin et le Kawthar sont montrés par les textes et le consensus des gens de la Sunna. Naam. Et on va voir après d'autres descriptions, inshallah, de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous t'avons certes accordé l'abondance. C'est-à-dire, nous t'avons certes accordé, et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien abondant. Al-Kawthar, c'est aussi le bien abondant et le grand mérite. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le bien en abondance, que ce soit dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi ses bienfaits dans l'au-delà, il lui a accordé un immense fleuve, Al-Kawthar. Et ce Kawthar, comme on dit, se trouve au paradis. Et il est la source du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam hein, au jour du jugement. Et comme on a dit, ceci est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Ils croient hein, fermement, hein, avec leur cœur, que le Kawthar et le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont réels. Naam. Et on va citer quelques hadiths qui montrent, inshallah ou ta'ala, justement, Al-Kawthar, d'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Kawthar est un fleuve dans le paradis. Ses bords sont en or. Son cours est de perles et d'émeraudes. Son sable est plus parfumé que le musc. Son eau est plus sucrée que le miel et plus blanche que la neige. Ce hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et d'après Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur le Kawthar. Il a dit, c'est un fleuve qu'Allah m'a donné dans le paradis. Il est plus blanc que le lait, plus sucré que le miel. Il y a près de lui un oiseau dont le cou est comme celui d'un chameau. Omar, qu'Allah l'agrée, a dit, certes, cet oiseau est comblé de bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors répondu, ceux qui en mangeront seront encore plus comblés que ceux-là. Subhanallah. Naam. Et dans un autre hadith, et on va s'arrêter là dans ce hadith, parce qu'il y en a beaucoup, inshallah ta'ala. D'après Thawban, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon bassin est comme la distance entre Aden et Amman. La distance, elle est très grande entre ces deux villes. Son eau est plus blanche que la neige, plus sucrée que le miel. Ses récipients sont comme le nombre des étoiles du ciel. Celui qui en boit une gorgée n'aura après elle plus jamais soif. Naam. Et ce hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Naam. Tayyib. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé ses bienfaits, afin qu'il soit reconnaissant envers lui. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la suite, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné de façon spécifique ces deux adorations. Hein, car elles font partie, la prière et le sacrifice, car elles font partie des adorations les plus méritoires. Et les adorations qui rapprochent le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sens de la prière ici, accomplis la prière, c'est-à-dire toutes les prières, qu'elles soient obligatoires ou surrogatoires. Et ici, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa communauté. Hein, accomplis la prière. C'est-à-dire, accomplis la prière uniquement pour ton Seigneur. Sois sincère pour Allah dans ta prière, contrairement à celui qui prie avec ostentation. Toutes tes prières doivent être vouées exclusivement à ton Seigneur. Sacrifie. Hein, sacrifie uniquement en recherchant le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tes rituels d'égorgement lui soient voués exclusivement. Égorge ta bête pour lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, et en cherchant à se rapprocher de lui. Car le sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des meilleures adorations. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a lié ici avec la prière. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans un autre verset, dans la traduction approximative, « Dis en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, c'est-à-dire le sacrifice, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite, dans le dernier verset, « Inna shani'aka wal abtar. » Celui qui te hait sera certes sans postérité. C'est-à-dire celui qui te hait, celui qui te déteste, qui te critique et te rabaisse, sera certes sans postérité. C'est-à-dire il sera privé de tout bien. Il sera privé de tout bien, de tout acte. Il sera privé de rappel. On ne le mentionnera que en mal. Et on ne fera pas son éloge. Il sera privé de rappel dans son vivant, dans cette vie d'ici-bas, et après sa mort, même dans la tombe, et après, dans l'au-delà. Celui qui te hait et qui te déteste, toi, mais pas seulement, et ce avec quoi tu es venu comme guidé et comme lumière, sera privé de tout bien. Il sera une personne mauvaise et sans aucune postérité. Quant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus parfaite des créatures. On ne mentionne pas Allah subhanahu wa ta'ala sans mentionner avec lui son messager. Comme on avait vu dans Surat Al-A'la, que ce soit dans la prière, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, hein, que ce soit dans l'Eden, dans les prêches, les discours, que ce soit dans les cours, dans toutes choses. Donc certes, celui qui te hait sera sans postérité. Naam. Ainsi se termine cette grande sourate qui contient beaucoup de bénéfices et beaucoup de leçons à tirer. Walhamdulillah. Naam. Naktafi bihad al-qadr. On s'arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on essaiera de finir demain, inshallah ta'ala, de surat al-kafirun jusqu'à la fin, si Allah nous permet. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته